Tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac Bonsoir, cette émission où le thème musical bug un peu, mais au moins on a Kim Auclair pour nous le mimer dans le chat. Donc, bon, j'étais censé faire une joke en fait sur Jonathan Laberge qui en fait, vous le connaissez, c'est ce sympathique personnage de iPlanetPod, donc qui vend des housses pour iPhone et qui malheureusement depuis cette semaine ne pourra plus les tester avant de les vendre parce qu'il est passé, oui, du côté obscur de la force. Donc, il a suivi le jeune padawan Dean Lubaki dans ce côté obscur de la force. Je dis ça, mais c'est deux gars qui tripent sur la technologie. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils se font beaucoup, beaucoup de fun avec leur plateforme Android de ce côté-là qui peut tout changer et tout le kit. Quoique, j'ai vu quelqu'un cette semaine qui m'a posté une photo genre « Hey, check mon iPhone jailbreaké ». La photo est arrivée puis j'ai fait comme... C'est exactement pour ça que Apple veut pas que tu jailbreak ton téléphone. C'est let. Fait que je me suis dit, c'est qui? Puis de toute façon, même si je m'en souvenais, je le dirais pas. Parce que c'est ça. C'est une question de goût, c'est correct. Il est à l'aise avec ça, mais c'était pas très beau. Donc, cette semaine, on a encore un petit show, mais on dit ça à chaque fois, puis finalement, on fait une heure et demie, fait qu'on le dira pas cette semaine. Et avec moi, pour répondre à vos nombreuses questions, j'ai Jean-François Roy, qui est là, toujours fidèle au poste. Fidèle au poste. Et non, je ne suis pas Éric Salvaille. Oh. Une anecdote là-dessus? Pas! Ma blonde écoutait un show à la télé, c'était en fait sur internet, puis c'était un show de le monde, ils flashent avec leur chalet, tu sais, ils montent leur chalet, puis celui d'Éric Salvaille, il est juste comme il est fou là, tu sais, le chalet tu fais non, c'est pas un chalet, c'est une maison de campagne, puis tu restes là toute ta vie, là, c'est fait sur un cap de roche, là, tout est pensé, designé, c'est cinglé le chalet là, c'est le chalet parfait là, il était carrément. Mm-hmm. Puis ma blonde a fait comme hey, ouais, il est beau, puis nous autres on est en train de se magasiner un chalet, tu sais, fait que je vais sur Twitter, puis je dis hey Eric, puis il est comme reconnu pour pas souvent répondre, peut-être qu'il répond plus maintenant qu'il se l'est fait dire une ou deux fois, mais je dis hey Eric, ma blonde est en train d'écouter le show, est-ce que tu présentes ton chalet, puis on s'en vient au mois d'août, tu sais. Mm-hmm. Je pense qu'il m'a répondu quelque chose comme elle a peut venir, mais comme pas toi. fait que c'est ça. Bon. Fait que ma blonde s'en va en vacances au chalet d'Éric Salvaire. Voilà. Donc, Jean-François, passez un bon deux semaines? Ben oui, toi. Mm-hmm. Oui, pas mal. Good. Vincent, es-tu là? Gadget? Oui, je suis là. OK, c'est bon. Qu'est-ce que tu disais, Alexis? Je dis, est-ce que t'as un nouveau gadget, une nouvelle... J'ai-tu acheté quelque chose? Non, j'ai rien acheté, je pense. Rien acheté? Non, j'ai rien... J'ai-tu acheté quelque chose? Non, j'ai rien acheté, à part mon SSD, là, non. Ouais, c'est vrai qu'un SSD, c'est, une... c'est important que tu te calmes, tu sais, 2-3 semaines après. Tiens, genre, au prix que ça coûte, là. Et là? Oh, on a perdu Vincent? Non. Ah, OK. Ça a coupé un 5 secondes, fait que je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, est-ce que t'es là? Oui, je suis ici. Vincent, ce soir, qui ne présentera pas de vidéo, parce que chez toi, qu'est-ce qui se passe, Vincent? C'est le cataclysme? Ben, comme d'habitude, j'ai pas de pantalon, mais j'ai effectivement pas d'Internet à la maison, donc j'utilise mon iPhone 4 pour diffuser en partage de connexion. Excellent. J'ai plein d'images que je veux pas qui me passent dans la tête en ce moment. C'est vrai que des images, pas de pantalon, puis avec un iPhone, ça fait bizarre, là, mais... J'ai mon iPhone, j'ai pas de pants. Ouais, non, c'est ça. Encore cette semaine, d'abord, on voulait plugger une couple de trucs, comme d'habitude. Dans un premier temps, nous serons à Sherbrooke. C'est le plus au sud qu'on peut se rendre pour le WWDC. Mm-hmm. juin, on sera accueilli par M. Ducharme, qui nous expliquait cette semaine qu'il y a l'intention, je pense, de nous saouler à gueule, parce que pour s'en venir, il dit ça, j'ai pas de troubles, je sais que vous allez être capable. C'est pour s'en aller que j'ai plus peur, qu'on verra, mais ça risque d'être assez drôle. Puis on descend en Fiat, hein, oublie pas. Pense on descend en Fiat. Moi, c'est pas Alexis qui conduit. On prend la Fiat à maman Miller. C'est vrai? Non, t'es-tu malade? Elle me prend. Je pouvais même pas conduire avec aujourd'hui. Là. Ok. Ok, ce sera pas tout de suite que je puisse la prendre. Tu vas voir, en fait, elle va se stationner dans un IGA un après-midi, elle va revenir, il y a quelqu'un qui va y avoir. Ben, oui. Poc! Puis à partir de ce moment-là, ben, elle va être moins neuve, puis tu vas pouvoir la chauffer. Mais ça risque. Ce sera pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'on disait spécial WWDC 2012 en direct de Sherbrooke Town. On va faire ça en direct pour vers midi et quart, midi et demi, comme on fait à l'habitude. Puis on éternise ça jusqu'à la fin. Fait qu'on va être, on va être une belle petite gang là, avec des invités, puis des cadeaux, puis on commence à faire la page web, là, toute la refonte du site pour annoncer l'événement. Ça va être une vraie célébration, comme on le veut. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on le fait. Puis on espère que vous allez vous joindre à nous pour cet événement-là. Faut battre des records. Oui, exactement. Faire planter encore plus vite le serveur de Mac Québec. Mm-hmm. Exactement. Et oui, c'est le moment que vous attendiez tous et pour lequel on a un fabuleux 24 personnes en ligne dès le début du show. C'est le moment du concours. Concours. Pas d'effet de voix ou concours. Ouais. Attends. C'est mes clés, j'avais ça. C'est le seul effet audio que j'avais. Donc, le concours Kifolio. Donc, concours, en fait, je sais pas si tu peux en parler un peu, c'est quoi? C'est Mario Gaucher, en fait, qui a communiqué avec nous, qui est un des collaborateurs sur le forum de Mac Québec, et qui nous a offert, c'est un truc qu'il a acheté. Lui, ça ne faisait pas. Il voulait. Ça épaissit, il faut le dire. Ça épaissit un petit peu le iPad, mais au moins, ça rajoute un clavier physique quand vous en avez besoin d'un. Puis lui, en fait, il l'a remis dans son emballage. Il est tout propre, tout neat. Et il a communiqué avec nous pour dire écoute, moi, ça m'intéresserait de l'offrir à la communauté de Mac Québec. Fait qu'on a dit ouais, pas de problème. Puis on va le faire tirer. Donc, comme ça, depuis le mois de mars, si je ne me trompe pas, qu'on fait des concours. Comme ça pour faire tirer des trucs. Et là, je pense qu'on est prêt à faire le concours. On aimerait juste rappeler que pour le mois de juin, on fait le concours du Gorilla Mobile Ori de la compagnie Joby, joby.com, que vous pouvez trouver aussi au @Joby Inc. sur Twitter. Et ils sont vraiment très, très gentils envoyé cet exemplaire de Gorilla Mobile. C'est quand même un truc qui se détaille, je me trompe pas, autour de 80-90$. Donc, ça montait pas à 100$ même? Quand même, hein. Je pense que c'est ça, mais sur le site, 79,99 plus le shipping. Fait que ça doit avoisiner là, les 100$. Mm-hmm. Donc ça, c'est le concours du mois de juin et qui est disponible sur concours-gorilla-mobile, c'est ça? Exactement. Excellent. Et je crois que les représentants de la Samson, Bel Air, de Deloitte et Miller sont prêts à faire le concours. T'as rentré. Oui, on est prêt. On a eu des participants. On va tirer le nom et on va vérifier la réponse avant de vous donner le nom de la personne. Je vais juste ouvrir rapidement mes emails. Il y avait, si je me trompe pas, en fait, il y avait la question d'ordre mathématique. La réponse, on l'a dit dans le podcast, c'était 42. Donc, il faut avoir 42 comme bonne réponse. Dans un deuxième temps, je pense qu'il y avait 5 personnes. C'était ça pour qui avait été. La question, en fait, était combien de nommez-nous les 6. Je pense qu'il y en avait plus. Je pense qu'il y en avait un peu plus. Donc, nommez-nous les CEO de Apple. Donc, évidemment, il y a les plus connus, John Scully et Steve Jobs, évidemment. Mais puis Tim Cook, qui est l'actuel. Mais il y en a eu d'autres. Donc, Mike Moi, j'entends absolument rien parce que moi, là, Jeff, il tape sur le clavier. Là. Mais tu tapes sur le clavier, Jeff. Ouais, mais. Okay. Alexis, parle. Donc, il y a eu Michael Scott, il y a Mike Marcula, il y a John Scully, il y a Michael Spindler, Jill Amelio, Steve Jobs et Tim Cook. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 7. Ont été CEO de Apple. Et. On va faire le tirage tout de suite, je crois. Donc, on va faire le tirage. J'ai pas plus j'ai pas plus d'effets sonores. Fait que. Attendez, je vais aller chercher mes casseroles. Non. Attends une seconde. Si on clique dessus. Je suis sûr qu'Alexis sait de quoi je parle. Donc, le grand gagnant du concours Equifolio est Guy Dumontier. Et est-ce qu'il a la bonne réponse, Guy Dumontier? Il a la bonne réponse. Comme tu l'as dit, la réponse était Michael Scott, Mike Marcula, John Scully, Michael Spindler, Jill Amelio, Steve Jobs et Tim Cook. Voilà. Excellent. Bravo! Donc, bravo. Est-il en ligne? Non. C'est pas grave, on va rentrer en contact avec lui. Et puis, on va lui faire parvenir tout ça. La semaine prochaine. Oui, voilà. Donc, bravo. Et la question, en fait, pour le concours pour le mois de juin est, nommez-nous 4 des 5 compagnies de technologie en général là, où Steve Jobs a travaillé durant sa vie. Donc, il y en a quelques-unes. Vous pouvez trouver l'information assez facilement. Et vous allez sur la page concours-gorilla mobile. Et pour participer, on a déjà des gens qui nous en ont envoyé. Ma boîte de email ne cesse de digner depuis tout à l'heure. Puis c'est majoritairement du monde pour le Gorilla mobile. Donc, c'est très drôle. Ou ta maîtresse. J'ai pas ça. Ah, c'est bien. Ben oui. Ben, ta blonde n'est pas... Ah non, c'est vrai, pensais qu'elle était institutrice, ta blonde, c'est vrai. Ça aurait pu faire ta maîtresse. On t'entend plus. On m'entend pas, moi. Mais ton casque d'écoute, là, c'est-tu un Bluetooth que je vois? Non. Non? OK. Mais le fil, il est tout petit, puis peut-être que les enfants ont joué avec. Donc, peut-être que ça a arrêté. On va commencer avec les questions les questions qu'on a déjà en banque, parce que manifestement, personne n'a de questions cette semaine. Tout est au fixe. J'imagine que 10.7 points, que tout est fiable et que plus personne qui ont de troubles avec leur ordinateur. Donc, cette semaine, je te laisse aller, JF, avec ta première question. Oui, on a une question de Julie Racine sur Mac Québec Entraide. Pourquoi l'écran de mon MacBook devient noir? L'écran devient noir lorsque je travaille. Ce n'est pas une mise en veille, car aussitôt que je bouge l'écran, ça revient. Est-ce un problème de court-circuit ou faire réparer à des coûts abordables? Voilà. Donc, effectivement, en fait, l'ordinateur, c'est un comportement singulier, là. C'est pas supposé faire ça. Et il y a fort à parier, en fait, que ce soit dans le hinge, c'est-à-dire la fermeture là, de l'ordinateur, qu'il y ait un problème. Peut-être le fil qui est là. En fait, c'est peut-être d'avoir un diagnostic. Les diagnostics pas chers peuvent se retrouver. Je suggérerais d'aller dans une boutique. Il y a Citiguidou qui dit d'appeler Alexis. Je fais pas de démontage complet d'ordinateur, en fait, au niveau des écrans, des trucs comme ça. Je suis pas équipé pour le faire. Donc, c'est peut-être mieux d'aller en atelier. Ça va aussi coûter probablement moins cher à Mademoiselle Racine que de me faire venir chez elle, tout ça. Donc, surtout que c'est un portable. Donc, aller dans un magasin, ils vont vous charger X montant, peut-être une trentaine de dollars pour le diagnostic. Et après ça, vous allez être fixé. Ils vont vous dire le prix de la pièce. Ça va peut-être prendre 3 à 5 jours ouvrables pour le faire réparer. Et c'est très possible que ce soit simplement une connexion À l'intérieur de la fermeture de l'écran. Au pire, si c'est pire que ça, ben la personne va pouvoir vous le dire. Si vous êtes situé à Montréal, ben évidemment, j'ai une préférence à cause de toutes mes années de travail là-bas à la coop informatique de l'UQAM. Mais tout dépendant où vous êtes situé, en fait, il y a beaucoup de bureaux qui de magasins qui font la réparation. Sinon, ce serait de l'amener au Apple Store. Le seul truc, par exemple, c'est que si l'appareil est relativement vieux, peut-être plus de support nécessaire. Le support a peut-être été abandonné. Que, par exemple, comment ça s'appelle? Le diagnostic qu'on vous donne fait que c'est l'écran qui a une problématique. À ce moment-là, en fait, reviens nous voir. Et on te donnera d'autres adresses pour le faire réparer, peut-être dans des boutiques non certifiées Apple, mais qui auraient des pièces semblables. Tu sais, dans la voiture, on appelle ça du jobber. Là. Mm-hmm. Donc, des pièces jobber qui pourraient faire sur l'ordinateur, qui seraient un petit peu moins chères, parce qu'on le sait, changer un écran, par exemple, sur un ordinateur portable, ça peut coûter autour de 700$ et plus. Là. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Julie. Et voilà. Merci de l'avoir posée. Il y a du monde qui nous ont mis des questions. On va y répondre. Ah, excellent. On a des questions, oui. Oui, on a une question de Jonathan Lambert. Hey, oui. Quel est le meilleur? On a une petite affaire avant. T'as un petit peu, tada. On a une licence à faire tirer. Ah oui, laquelle? De Forklift. Ah oui. Oh, oui, c'est vrai, on avait ça. Donc, ouais. Pour la première, mais je pense que Jonathan est en PC et sur Android, fait que c'est plate, Joe, on a comme juste un logiciel à Apple à te donner. Donc, quel est le meilleur widget de Twitter pour Galaxy Nexus Android? C'est une bonne question. Il fait ça, je suis sûr certain qu'il fait ça pour nous écœurer. C'est là, sûr, ouais. C'est hey, sûr. Sérieusement, là, mange la marde, Jonathan. C'est ça. Merci pour les cadeaux du mois du mois d'avril, ouais, mais les questions Android. Malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas de podcast là-dessus. Si ton anglais est bon, tu peux aller voir du côté de iMore, qui est un podcast produit entre autres à partir de Montréal en anglais, et eux, ils ont un podcast. Qui parle d'Android. Donc, vous pouvez peut-être aller vous faire voir ailleurs. Je voulais pas dire ça comme ça, là, mais voilà. Fait que, écoute, c'est super cool de nous faire vraiment confiance à ce point-là, de se dire, écoute, ils connaissent tout Mac, fait que leurs connaissances omnipotentes doivent sûrement déborder de ça. Malheureusement, la sphère, le monde Apple est tellement gros que on n'est pas capable de se mettre d'autres choses dans le crâne que ça. Par contre, on peut te référer à notre ami Dean, qui lui est sur Android depuis quelques temps, mais a probablement pas la même version du système d'exploitation que toi. Fac, malheureusement, l'application que lui utilise ne fonctionnera pas sur ta machine à toi. C'est dommage. On va passer à la première question. On lui donne-tu quand même Forklift? Il est plus là. Il est plus là? Non, ben on voit la fin. Ah oui. Ah, il est parti. Ah. OK, ben on la fera tirer de toute façon parce qu'il y a plusieurs questions là. OK. Voilà. Quel est le meilleur site web pour se procurer de la mémoire vive pour un MacBook Pro? Comme on le dit des fois. Hey, j'ai un bug, je suis pas capable de les voir les questions, moi. Moi aussi. Personnellement, moi, c'est Canada RAM que j'aime bien pour trouver de la mémoire. Là, c'est assez facile de trouver de la mémoire pour ton ordinateur. Ils ont de la mémoire certifiée, ils ont de la mémoire Kingston. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trippe sur la mémoire Kingston. À mon avis, la réputation qu'ils ont est un peu galvaudée. Le mot est pas bien choisi, mais est un peu surfaite dans le sens où c'est une des premières compagnies qui a offert de la mémoire vive spécifiquement pour Apple. Donc, tu pouvais pas te tromper. Tu allais voir sur leur site. Eux autres, ils te disaient, bon, ben, le code pour la machine que tu as, c'est ça. Puis quand tu le commandais, tu pouvais pas te tromper. Donc c'est les premiers à avoir fait ça, mais c'est pas la seule mémoire qui fonctionnait dans le Mac. Donc voilà. Et Canada RAM, oui, Canada RAM est probablement plus cher que OWC. La différence, c'est que OWC va t'envoyer ça par UPS. Ils vont te charger des frais de transport. Une fois qu'UPS va arriver à ta porte, ils vont te charger à peu près 2/3 du prix du cossin que tu as commandé. Fait que calcule-les comme tu veux, là, puis même si tu fais le douanage tout seul. Au WC, c'est super cher quand tu t'envoies le stock. Ben, ils m'ont rien chargé, moi. C'est ben, là qu'elle devient ma mémoire. D'après moi, tu vas recevoir une facture de purulateur ou quelque chose. Quand j'ai commandé de WC, peut-être qu'ils ont changé aussi de... Oui, parce que ma... Ah non, t'envoies. Ma job sera pas contente. Comment ça? Ben, moi, je l'ai fait. Moi, je fais tout venir à ma job. Ah, OK. Non, en tout cas. On nous dit aussi que tu peux aller sur lesmac.com. Les Mac, pas de S.com. Ouais. Ben oui, vous avez deux barrettes de 2 gigs en plus en vente sur les Mac.com qui vient d'un MacBook Pro fin 2011 pour 30$. C'est une aubaine. Allez voir. Michel nous dit que ça n'a plus les mêmes pratiques au niveau de l'envoi, donc tant mieux parce que moi j'avais commandé l'enclosure pour rajouter un disque dur de là-bas. Et m'ont rappelé pour me dire, écoute, on est obligé de te charger plus cher parce qu'on te l'envoie au Canada. Puis quand c'est arrivé ici, ils m'ont rechargé un autre montant pour le dédouanage. Fait que, en plus, on sait que c'est juste eux autres qui le font. Non, iFixit maintenant en offre un. Puis celui que Vincent a commandé, c'est d'une autre compagnie, je me souviens. Data Doubler. Hein? Ouais, le Data Doubler. Moi, je l'ai téléchargé par, c'est par OWC. Là. OK. OK, c'est OWC qui le fait. Ah, puis iFixit, c'est en plastique, c'est ça? Non, c'est le Data Doubler qui est en plastique. Mm. Non, il n'est pas en plastique, il est en aluminium. Ah, OK. Bon, je me souviens plus d'abord lequel. Mais il est solide. Là. Ouais. Mm-hmm. En fait, c'est peut-être pas OWC, c'est peut-être une compagnie qu'ils ont rachetée. Duquel j'ai commandé. Puis effectivement, c'est possible de dédouaner soi-même, donc d'éviter des coûts de 40$. J'en avais déjà parlé dans un des podcasts précédents. C'est assez simple, en fait. Vous retournez le gars qui vous arrive à la maison avec une facture de 40$ ou 50$, vous le retournez à l'entrepôt UPS. Vous téléphonez à UPS pour qu'il vous prépare les papiers nécessaires au dédouanage, vous passez au centre de contrôle UPS pour aller chercher les papiers. À peu près à 5-10 minutes d'auto de là, vous avez le air terminal où est-ce que vous pouvez aller. C'est une douane, en fait, en ville. Vous leur montrez qu'est-ce que vous voulez faire dédouaner la facture. Ils vous posent un certain nombre de questions comme à la douane. Et à ce moment-là, ils vous disent, bon, ben tu vas payer, ça va te faire 7,95. C'est en face. Tu le fais. Te demandes si tu es armé? Et puis ils l'envoient l'autre bord. Non, mais ils veulent savoir, oui, Monsieur Cornelier, qu'est-ce que vous importez? Deux poissons géants télévidés à moteur flottant. Pourquoi vous faites un ça? Pied humain. J'importe un pied humain. Voilà. Fait qu'ils posent quelques questions pour voir si t'es nerveux, tu sais, de commander ton pied humain. Puis après ça, ils te font la fouille. C'est ça. Main levée. Ça s'appelle main levée. Ah. Pas nécessairement dans le chat qu'on nous rapporte ça. Hey, le concours, ça marche. Je pense qu'on a 10 personnes à date qui ont participé. Je vais voir. Le show. C'est le nom de la procédure aux douanes, donc main levée. Alexis, tu as parlé de l'appli Protégez-vous sur iPad, existe-t-elle? En fait, oui, elle existe. Et je peux vous dire que nous aurons M. Éric, je crois que c'est Payé. Éric Payé le 14 juin au show pour justement venir nous en parler. Je pensais qu'elle allait venir cette semaine, mais finalement, après discussion, en fait, eux vont faire un lancement comme plus officiel que genre moi qui en parle dans un podcast. Donc, il va venir nous en parler la semaine prochaine. On va quand même l'avoir en primeur, si je ne me trompe pas. L'application est c'était pour sortir le 15. Voilà. Donc, si vous développez des applications et que vous connaissez des compagnies qui veulent le faire, à ce moment-là, vous pouvez le Podcast Mac Québec et les amateurs de Mac Bonsoir. On adore faire la promo en fait des développeurs québécois. Oui, mais en fait, la promo, mais aussi les essayer. Si vous voulez qu'on l'essaye aussi, qu'on essaye un review, envoyez-nous un code aussi, puis ça va nous faire plaisir d'essayer. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'étais en train de vérifier quelque chose, excusez-moi. Je ne suivais plus. On a François Savard sur Mac Québec Entraide, il demande « J'ai un MacBook Pro 15 pouces début 2011, Intel Core i7. Il chauffe tellement que je ne suis pas capable de le mettre sur mes jambes. Est-ce que c'est normal? » Bon, notre tolérance à la chaleur est différente pour tous. Le processeur i7 est un processeur qui effectivement dégage beaucoup de chaleur. Et si on lit dans le petit livre qui est fourni avec l'ordinateur, en anglais, souvent, on nomme un ordinateur portable un laptop. Lap pour le dessus des jambes. C'est une mauvaise nomination de l'objet parce que on ne devrait pas mettre son ordinateur sur ses jambes. La chaleur créée par la machine s'est prouvée, tue les spermatozoïdes et empêche la reproduction de la race humaine. Là, on va se retrouver avec un film avec Owen, Clive Owen, puis le premier bébé en 35 ans, puis tout ça, là. Children of Men, ou quelque chose comme ça. Excellent film. Donc, dans le guide, c'est bien dit, vous ne devriez pas mettre l'ordinateur. Il y a plein de compagnies qui s'amusent à vendre des trucs que vous pourriez mettre entre vous et votre ordinateur pour justement pas subir la chaleur de celui-ci. Par contre, il y a des températures à l'intérieur duquel la machine est supposée fonctionner. On n'a pas sorti là, les températures exactes, mais disons que passer le 65-70 degrés peut-être, je vais juste vérifier là, si je dis pas n'importe quoi. Non, peut-être autour du 80-85 degrés, il faudrait commencer à se poser des questions. L'ordinateur, là, le CPU, donc c'est autour de 72 degrés. Ça devrait se tenir à ce côté-là. Qu'est-ce que comme moi, le mien, là, il roule à 86 degrés. Okay? Ah, quand même, c'est plus. Ouais, il fait chaud chez vous, par exemple. T'es au deuxième étage, pas d'air climatisé. Non, mais il faut dire aussi que, comme je te disais, j'utilise Chrome, hein, j'utilise pas Safari. Fait que j'ai remarqué qu'avec Safari, quand je fais du Spreecast, quand je fais du podcast, Safari prend moins de power que Chrome. Fait que j'ai remarqué que je gagne au moins 5-6 degrés juste en prenant Safari, mettons, pour être sur Spreecast ou sur CUTV quand je regarde les manifs en direct. Puis, comme là, je garde Chrome parce que je suis habitué à Chrome, j'ai rien dans Safari. Là, tu sais, il est là, mais je m'en sers pas. Tu sais. D'ailleurs, je pense que tu nous sors un DVD à l'automne des meilleurs cabossages d'étudiants pendant les manifs. C'est non, inquiète-toi pas, Anonymous fait ça d'eux autres mêmes. Excellent. Ce qu'on pourrait te suggérer, en fait, pour regarder, parce que ton ordinateur est rempli de senseurs. Un peu partout, au niveau de la batterie, au niveau du CPU, au niveau de la carte graphique, partout. Et il y a un très bon logiciel, pas très cher, que tu peux souvent trouver à travers des bundles, qui s'appelle iStat Menu. Oui, GF? Non, je suis en train de calculer combien il y a de sensors dans mon Mac là, avec iStat. Là. Donc, iStat Menu qui roule sur nos ordinateurs, qui n'est pas très cher, je pense 110 et 20 $. J'en calcule ça peut être... 17. Ah oui? Oui. OK. Donc, oui, tout dépendant, en fait, de la version d'ordinateur. Du modèle, puis de la patente. De plus en plus. Donc, voilà. Donc, iStat Menu. Puis, je pense qu'il y a même un widget qui existe, iStat Menu. Qui donne même un bon nombre d'informations. Puis, je pense qu'il coûte moins cher. Donc, ça peut être assez intéressant. Si tu trouves toujours, après avoir eu des lectures des senseurs de l'ordinateur, c'est-à-dire avoir eu des chiffres, puis regarder, puis bon, tu sais, tu montes à 90 ou 95, ça commence à être chaud assez pour dire, écoute, ça peut poser des problèmes. Donc, tu vas au Apple Store, tu le fais, et si ton ordinateur est encore sous garantie, il ne devrait pas avoir de problème pour faire la réparation. Ouais, c'est sûr qu'il est encore sous garantie. Début 2011? Début sorti en mars, fait que c'est fini, la garantie est finie. À moins que tu aies pris l'Apple Care. Voilà. Sinon, tu peux peut-être faire jouer, là, comme on en a déjà parlé, la garantie légale. Oui. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Prochaine question? Oui, de Gary Kenny. Oui. Bon, je suis plus capable de la mettre. Attendez un peu. Là. Il y a un problème avec le site. Là. Ah oui, le bon love là. Ouais, en tout cas, ça a tout... Oh mon Dieu, c'est quoi là? Je vois rien. Kenny, notre ami qui tient un parc informatique de 250 iPods au Nouveau-Brunswick. Donc, ah oui, c'est vrai, c'est lui. Ouais. Toute civilisation Apple Store, disons. Qui nous demande, en fait, j'ai un iPod Touch de deuxième génération que ma fille de 5 ans utilise depuis un certain temps. Après quelques minutes d'utilisation, l'écran fige. Il est alors impossible de faire quoi que ce soit avec l'iPod. J'ai essayé plusieurs manipulations, appuyer les boutons, bien d'autres. Rien à faire. Je dois attendre que la pile soit à terre. Après la recharge, l'iPod fonctionne pour quelques temps, pas très longtemps, et fige de nouveau. J'ai réinitialisé tous les paramètres, effacé le contenu et reparti à zéro. Même problème. J'aimerais bien, tout dépendant du prix, savoir si cela se répare. Si oui, où puis-je me renseigner en considérant que j'habite au Nouveau-Brunswick? Il y a fort à parier, en fait, que ce que tu vas avoir à commander et le temps que tu vas passer à le réparer vont probablement te coûter, bon, une somme pas équivalente à un nouveau iPod, mais réparer un iPod de deuxième génération quand on est rendu au iPod de cinquième génération et que, bon, ton iPod ne peut plus se mettre à jour à iOS 5. De quoi? On est rendu à quatrième génération? Oui, pas encore 5. Okay. Donc, iPod de quatrième génération. T'es sûr? Oui. Continue. Après ça, on a eu une génération qui s'est faite upgrader. On est rendu à 5, mais bon. On va y aller avec 4. iPod de quatrième génération, le 5 bientôt qui s'en vient. Moi, je ne sais pas si j'investirais vraiment dans la réparation d'un appareil comme ça. Parce que, bon, iOS 5 ne s'installe pas dessus, si je me trompe pas. Quatrième génération. iOS 5 ne s'installe pas dessus, à moins que ce soit un 32 ou un 64 gigs. Et l'autre chose, c'est iOS 6 qui va probablement être annoncé au WWDC, s'installera probablement pas dessus. Donc, à ce moment-là, la réparation devient peut-être moins intéressante. Sinon, je te dirais de regarder du côté de iFixit pour avoir tous les outils pour le décapsuler. Probablement qu'eux les tiennent encore. Si eux ne les tiennent pas, ça se peut que ce soit difficile de trouver les pièces pour pouvoir le réparer. Donc. Je vais changer de micro parce que j'ai un problème avec mon son moi aussi, fait que je reviens. Quel niveau? Ben, parce que si mettons je fais quelque chose sur mon ordinateur, ça coupe. Ah, ok. Fait que ce sera pas long, je vais juste switcher pour le micro de l'ordinateur. Pas de problème. Donc, Joseph-François R à l'air sur Mac Québec Entraide qui nous demande est-ce que je dois changer mon ordi, un Mac PowerPC, pour un Mac avec Intel? Pour faire suite à ma sujet de Flash Player, compte tenu des multiples messages de mon navigateur Firefox que plusieurs plugins demandent une mise à jour et qu'elle ne semble plus être disponible, est-ce que je dois changer mon ordi Mac PowerPC pour un Mac avec Intel? Un ordinateur a une durée de vie d'environ 3 ans. En 2006, Apple a commencé à mettre sur le marché les ordinateurs avec processeur Intel. Non, Vincent, on ne t'entend pas malheureusement. Non. Ça veut dire qu'on n'enregistre plus le show du côté de Vincent non plus. Hein? Ben, c'est moi qui l'enregistre. Ah, OK, parfait. Donc, on va attendre que Vincent règle ses petits pépins et nous rejoigne. Donc, considérant que 2006, ça fait 5 ans qu'un ordinateur a une durée de vie moyenne, je dis bien moyenne, il y a des gens qui l'étirent plus longtemps, mais manifestement, toi, ce que tu veux faire avec ton ordinateur demande à être plus récent. Puis, du côté de la sécurité, du côté du support, Apple ne supporte plus ces vieilles machines-là du tout. Il n'y a plus de possibilité de réparer. Donc, c'est vraiment comme sauter avec un... t'sais, faire là, du trapèze, mais sans filet en tant que tel, parce que dès qu'il va avoir un pépin avec ton ordinateur, tu vas être obligé de te pitcher sur eBay, de commander un ordinateur au complet, que tu ne sais pas si la pièce que toi est brisée, celui-là aurait aussi la pièce de brisée, parce que, en fait, ce que tu veux, c'est acheter une carcasse d'ordinateur que tu vas pouvoir scavenger, que tu vas pouvoir cannibaliser, en fait, avec le bien choisi, pour prendre les pièces et les mettre dans ton ancien ordinateur. Et tu ne sais pas si cette pièce-là va tenir le coup. C'est s'embarquer, là, tu sais, c'est comme entretenir une vieille minoune, en fait. Et ta vieille minoune n'est pas aux normes de sécurité, pollue plus, tu sais, bon, il y a un paquet de choses. C'est un écran CRT que tu as là-dedans. Donc, ouais, faut dire que ça tank, ça. C'est ça, probablement qu'il commence à être brûlé. Donc, oui, la suggestion serait probablement de te faire plaisir, puis de changer pour une machine plus récente. Voilà. Ça, as-tu réussi à nous revenir? Non. Vincent? Je sais pas, il est pas là. Ah. Vincent? Non. Vincent, il y a pas de son. Ouais, ça sonne pas. Oui. On va y aller avec l'ultime et dernière. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, bon. Non. Qu'est-ce qui se passait? J'ai aucune idée. Je me suis connecté tout de suite sur mon microphone. Là. Je suis passé par SoundCloud puis ça ne fonctionne plus, on dirait. Là. Ah, bon. OK. Bon. Ouais. Puis, Jeff, je voulais répondre à ton endroit tantôt. Tu disais à propos de ton micro, là. Ça coupait Alexis. Mais en fait, c'est au niveau de la connexion. C'est parce que toi ou Alexis host, puis tu as priorité sur Alexis à chaque fois. Fait que même moi, quand je parle, probablement que dans ce podcast, on l'entend, mais dans le podcast, on l'entend pas. Parce que moi, j'ai priorité sur Alexis, puis JF, tu as priorité sur tout le monde. Ah. C'est pour ça que dès que tu parles, ça coupe. Ah, OK. On t'entend pas sur ce podcast, Vincent. Ah oui, mais mon micro... je change. Vous devriez m'en. Non, sur Spreecast. On entend Vincent sur Spreecast? Bon. C'est... Donc, si vous ne nous posez pas d'autres questions, celle-ci sera la dernière de. J'en ai deux. Ah, t'en as deux, excellent. Donc, bonjour, je suis nouveau sur Mac. C'est quelqu'un du forum de Mac Québec qui nous a posé la question, Chris, si je ne me trompe pas. Donc, il a acheté son ordinateur en octobre 2011. J'ai eu de la difficulté à l'apprivoiser, mais ça va mieux. Excellent. C'est habituellement plus facile de s'acclimater, en fait, au Mac en partant de PC que le contraire, c'est-à-dire partir de Mac et s'en aller sur PC. Une question, j'ai un clavier sans fil et je me demande à quoi servent ces touches dans le haut. Complètement. La première rangée en haut, quelques touches F2, F3 fonctionnent, mais j'aimerais savoir les utilisations des touches F3, F4, F5 et F6. Où trouver les instructions, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? En fait, ces touches-là sur les claviers Apple peuvent servir à deux choses. Historiquement, les touches F sont des touches de fonction. Donc, dans les applications, elles ont habituellement toutes la même utilisation. F1, si je ne me trompe pas, c'est LED. En tout cas, je ne les connais pas par cœur, mais dans les. Puis ils sont de moins en moins utilisés. Là, ben oui. C'est ce qui se passe. De l'autre côté, ce sont des touches aussi de fonctionnalité pour l'ordinateur. Donc, que ce soit monter, descendre le son, couper le son complètement. Habituellement, ce sont les touches F12, F11 et F10. Ensuite de ça, le contrôle de iTunes qui peut s'opérer par F7, F8, F9. C'est peut-être différent sur votre clavier. Apple, tout dépendant, a tendance à les changer de version en version et selon ce qu'ils rajoutent comme fonctionnalité. Sur un portable, les touches F1 et F2 servent à la luminosité de l'écran. Je ne sais pas si c'est ce que ça fait du côté du clavier sans fil sur c'est un iMac, il ne dit pas. Donc, probablement un iMac. Bon, sinon, il y a le lancement de Launchpad, le lancement de de Widget. C'est ça? Comment ça s'appelle? C'est ça, c'est Widget, la petite application. Ah ouais. Et, on ne sert pas, là. F5 et F6 sur le portable, du moins, sont les contrôles au niveau de la rétro et du rétroéclairage du clavier. Maintenant, pour ceux qui essayent ces touches-là et pour lesquelles ça ne fonctionne pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains ordinateurs qui sont paramétrés par défaut pour que, quand on veut faire fonctionner ces touches-là, il faut tenir enfoncé d'abord la touche FN qui se trouve dans le coin inférieur gauche du clavier. Quand on touche la touche FN, ça va être certains contrôles qui vont se faire et quand on ne la touche pas et qu'on fait juste la touche F1, F3 jusqu'à F2, ça va être d'autres fonctionnalités. Pour le contrôler, pour savoir si on doit toucher à FN ou pas, on va se rendre dans la pomme, dans Préférences système sous la rubrique clavier. Et là, on a une option à cocher qui dit utiliser toutes les touches F1, F2, etc. comme des options standards. Pour l'instant, comme je vous disais, on a tendance à de moins en moins les utiliser dans les logiciels sur PC. Puis je pense pour Mac aussi, F5 habituellement c'est Reload. C'est-à-dire que ça va rafraîchir une page web. Mm-hmm. Je sais que c'est sur PC. Puis il y en a d'autres comme ça, mais ça dépend vraiment du logiciel dans lequel on est. Donc, il n'y a pas, à part la documentation spécifique du logiciel, il n'y a pas grand-chose qui peut vous renseigner là-dessus. À part le F11 là, qui fait le full screen aussi des fois. Là. Ah oui, c'est ça que ça fait? Oui, le F11, il fait ben, sur côté PC, c'est F11, ça fait full screen. Fait que... Excellent, c'est bon à savoir. Donc, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Tu avais une question, Jeff? Oui, moi j'ai deux questions. Pourquoi que le... Je répète, j'ai changé mon SSD. Ouais. Et j'ai un 180 gigs. Ton disque dur pour mettre un SSD, OK? Oui, j'ai un 180 gigs. Oui. Pourquoi que la gestion de la mémoire restante n'est pas toujours la bonne? Tu veux dire dans le disque dur? Oui. Tu sais, comme là comme hier, là, il me restait 70 gigs, OK, qui affichaient. Oui. Je n'ai rien fait. Comme ce soir, il m'affiche 81 gigs de différence qui me reste de disponible. T'es en 10.8, hein? Oui. Y a un backup Time Machine qui se fait au niveau local. Est-ce que tu utilises Time Machine? Oui. OK. À partir du moment où tu actives Time Machine sur Mountain Lion, il y a un backup Time Machine local qui se fait quand tu n'es pas connecté à ta Time Machine avec ton ordinateur. Donc, c'est peut-être ça, là, tu sais. Le backup se fait aussi sur 10.7. De cette façon-là? Oui, je fais la même chose, puis je suis sur 10.7, moi. En local? Oui. Okay. Peut-être que c'est un bug que tu as trouvé à ce moment-là puis que tu devrais le rapporter. Non, mais ça se peut très bien que les deux. Puis justement, tu vois sur Mountain Lion que ça fait ça. Ouais. Tu as vu qu'il y avait une différence là, parce qu'il y a eu un backup. Puis quand tu l'as branché sur ta Time Machine ou je sais pas trop, là, je sais pas si tu l'as branché entre-temps. C'est ma Time Capsule, fait qu'il se fait tout le temps. Journée, là, tu sais, où est-ce que tu serais sorti peut-être avec ton laptop? T'as-tu sorti le laptop de la maison? Non, pas cette semaine. OK. Ça veut dire que, bon... C'est peut-être un bug aussi avec la version. Ouais. C'est peut-être un bug, parce que moi, j'ai tout le temps... Quand j'ai acheté le SSD, j'ai mis Mountain Lion, le Beta 3, le Developer Preview 3. Mais là, c'est ça, je remarque que comme hier, c'était 70 gigs, puis là, c'est marqué 81 gigs. Fait que... pour essayer de voir s'il y a un endroit qui prend plus de place, puis t'as pas téléchargé en malade depuis hier non plus, là, 11 gigs, c'est assez important quand même. Ouais, puis avec la bande passante qu'on a... On va essayer de retenir ça en mémoire, puis si jamais on tombe sur un complément d'information, je vais checker avec la prochaine version, là. Avec la prochaine version de développeurs qui vont sûrement sortir bientôt. Puis mon autre question, iTunes Match. Ouais. J'ai des tunes qui sont dans mon cloud, parce que là, moi, j'ai pas acheté encore le Data Doubler. OK. Fait que faut que je la jette. Fait que j'ai plus aucune toune dans mon ordinateur. T'sais, les vrais fichiers là, sont tous sur mon cloud. Là. Il y a certains fichiers que quand je vais écouter de la musique, il n'est pas capable de les télécharger. Ah oui? Oui, il saute des fichiers. Tu sais, il me dit qu'il y a une erreur, c'est 11, 11, 111, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 5 x 1. Puis, j'ai checké sur les forums d'Apple. Il y a beaucoup de monde que ça arrive aussi. Mais je sais pas si vous autres, ça vous est arrivé. Je sais pas si vous écoutez beaucoup de musique sur votre ordi. Là. Non, je t'avoue que pas mal moins. Ben, moi, j'en écoute, mais j'ai jamais vu ce problème-là. Ah ouais, c'est ça. Là, j'ai remarqué ça la semaine passée. J'étais en train d'écouter un album de Madonna. Puis là, voyons, c'est comme ça qu'il a skippé 3 tonnes. Fait que là, j'ai réessayé, puis je suis pas capable. Quand je clique dessus, il veut pas être téléchargé. Puis là, quand tu cliques des fois sur certaines chansons, là, c'est là que l'erreur 5x1 apparaît. Là. Puis là, j'ai été voir sur les forums d'Apple, il y a beaucoup de monde qui ont ce problème-là. Là, mais c'est un peu achalant, parce que là, je peux pas l'écouter à tune. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. C'était Madonna, c'est pour ça. Oui, c'est ça, mais c'est pas juste... Je donne un exemple de même, mais c'est pas juste Madonna. Il y a d'autres chansons que j'écoute que ça fait ça aussi. Là. Mais j'ai hâte, ça, je commande mon data doubler. Là. Fait que, au moins, je vais avoir tous mes vrais fichiers de musique. Puis ensuite, tu pourras faire une resynchro avec iTunes Match, puis peut-être que là, ça va, le problème va régler là, ensuite. Oui, c'est ça. Fait que je vais, parce que là, mes tunes sont dans mon ancien disque dur. Là, dans le disque dur qui venait avec le portable. Là, il est sur le bureau puis qu'il traîne là jusqu'à temps que je le rebranche sur l'ordinateur. Là. Donc, non, mais c'est ça. C'était ça mes petits problèmes. Là. Fait qu'on va voir. On va voir avec les prochaines versions là, de Mountain Lion là, si ça arrive une couple de petits problèmes. Là. Cette erreur-là, dans ton ordinateur, c'est pas dans le iOS. Non, dans iOS, ça fonctionne. Sur mon téléphone, je suis capable de télécharger, mais dans iTunes, il veut pas. OK. Qu'est-ce qu'il te disait dans, Erreur 5x1. Oui, mais quand tu es allé fouiller dans les forums, qu'est-ce que ça disait? Parce que moi, je lis ici, ce qu'ils disent, c'est que c'est associé à un autre Apple ID. Ouais, mais ça c'est pas supposé, parce que j'ai juste un Apple ID sur mon... Mais il n'y a pas Mac Québec, celui de Mac Québec aussi? Non, pas sur mon iTunes Match. OK, ouais. iTunes Match, c'est mon Apple ID à moi. Fait que... Non, puis j'ai celui de Mac Québec qui n'est pas dedans non plus, je l'ai enlevé. Fait que. OK. Fait que, en tout cas, je vais checker ça. C'est un peu plate, là, tu sais. Puisque, tu sais, ça me coûte 28$ par année, là, on s'entend, là. Mais là, sauf que là, je peux pas écouter mes tunes que je veux parce que j'ai pas mon autre disque dur qui est dedans, là. Fait que. Ouais. C'est un peu plate. Cette problématique-là? Hein? As-tu écrit à Apple pour leur dire? Non, faut que je l'écrive, là. Je vais leur écrire par le site web d'Apple. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont te dire. Ouais, je vais faire ça en fin de semaine. De toute façon, ils annoncent tellement beau. Fait que. En fin de semaine? Et Chris, non. Bon. Je travaille les deux jours. Ah, c'est bien. À l'extérieur. Ah. Moi aussi. Oui, d'ailleurs, j'invite tout le monde à venir me voir. Je serai dans le Petit Parc des Nations. Avec les planches de la place, dans le container Ubisoft pour fêter les 15 ans d'Ubisoft Montréal. Ah, c'est pas fini, ça? Ben, en fait, il était là au Festival Chromatique. Ouais. Et en fin de semaine, c'est MuTech. Donc, ça dure 2 ou 3 jours. C'est à la SAP. Et puis, le container sera toujours là. Ah. Le container Ubisoft sera toujours là. Donc, vous pouvez venir me voir, puis on va pouvoir piquer une petite jasette. Ah, mais je vais aller faire un tour, je vais aller l'essayer. Oui, oui, ben c'est super cool. C'est pas très long, mais c'est quand même assez intéressant. Puis ça montre une autre utilisation de la Kinect, des possibilités de la Kinect. C'est à quelle heure? C'est toute la journée, en fait. Moi, si je me trompe pas, je vais être là de 2h à 8h. Ah, OK. Voilà. C'est bon. Donc, puis en fait, tout le reste du staff est super sympathique. Donc, vous passez quand vous voulez, puis ils vont vous faire visiter ça. Vous avez une édition, vous pouvez mettre la main aussi sur une édition spéciale du magazine Urbania qui relate en fait les 15 ans d'histoire de Ubisoft. Puis pour les amateurs de PIN, pour les amateurs de petits macarons, ils remettent un petit macaron 15 ans Ubisoft aussi. Mon Dieu, ça me fait penser à Pinterest. Des beaux cadeaux. Ouais, des beaux cadeaux. Voilà. Donc, messieurs, ça met fin à notre show de ce soir. On remercie en fait tous ceux qui sont venus nous écouter en direct. On est toujours bien contents de vous avoir. Puis pour ceux qui ont eu du trouble et qui nous ont posé des questions, merci aussi beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, JF, sur les internets? On peut me retrouver sur mon compte Twitter à JFRoy1979. Sur Facebook, sur Google Plus. De ce temps-ci, je tweete beaucoup pour le GGI, CUTV. Tu sais, je suis rendu un pro du CUTV. Là. Un ambassadeur? Ben, c'est ça. Donc, m'a dit les affaires que j'ai. Hein? Tu fais un don CUTV? Comment? Est-ce que tu as fait un don? C'est sûr. Oui. J'ai donné 20$. Bravo. Ouais. Voilà, nos. J'encourage de faire un don à CUTV. C'est une équipe de l'Université Concordia qui fait de la TV, de la télé live pendant les manifestations. Mais ils font pas juste ça. Là. Ils ont été découverts par les manifestations. Ils ont beaucoup d'autres programmes à Concordia. J'encourage beaucoup le monde à aller les regarder, à aller les supporter. Ils font une méchante job. En tout cas, j'en dirai pas plus, là, parce que, en tout cas, ça dépend des soirs, là, ça dépend c'est qui anime pendant les manifestations. Mais. Il y a du monde qui anime? Ben, il y a quelqu'un qui se promène avec un micro, là, tu sais. C'est souvent une fille qui est là. Fait que. Okay. Mais bon, fait que c'est ça. Tu as vraiment un très beau cri quand il se passe de quoi? Oui, cri, oui. Autour d'elle, là, elle te hurle ça, puis tu sens toute la souffrance. Qu'elle a. Ouais, quand elle s'est faite ramasser, là. Ouais, coup de paper spray, puis de coup de bâton, puis tout, là. Ouais, ouais, ouais. Il est possible, par exemple, si vous allez voir sur cutvmontréal.ca, comme M. City Guidou nous donne gentiment l'adresse dans le chat, vous pouvez vous inscrire et devenir, en fait, participant. Ouais. À CUTV, vous commencez par être, je crois que vous êtes assistant de production. Vous allez donc avec eux pour voir un peu comment ça fonctionne. C'est sûr que là, ils ont du matériel vraiment intéressant. Puis c'est le fun d'être là parce que tu fais partie de la manif. Puis si tu es tout le temps à Montréal, si tu veux en faire partie, ben au moins tu relates, tu sais, ce que tu vois, ce que tu fais. Ça sert pas juste à le voir, mais tu le montres aux gens. Donc, eux autres, ils vont te faire des stages pour apprendre comment fonctionne la caméra, comment faire un petit peu ton montage. Ben, il n'y a pas vraiment de montage, là, mais ton découpage, comment fonctionne la caméra, tout ça. Oui, tu as accès à tout le matériel là-bas. Voilà, en plus. Donc, tu l'empruntes pour faire un reportage, mais peut-être que si tu veux te tourner un petit film ou un short movie ou quoi que ce soit, ben c'est une possibilité. Donc, je pense que c'est un coup d'os, hein, CUTV quand même. Cette année, c'est vraiment... belle découverte. C'est une belle découverte, je trouve. Puis la fille se force en plus pour parler un bon français. Ou le gars, parce qu'il y a un gars aussi qui a commencé cette semaine, j'ai vu. Puis, c'est ça. Fait que c'est une belle plateforme qu'ils ont faite. Puis ça coûte cher, là. Ils ont une caméra, c'est 5 000$ de la caméra, là. Ils sont rendus à, je sais pas, je pense qu'ils l'ont pété 3 fois, la police. Puis juste le kit, là, c'est une boîte, là, de live stream, là, que tu peux acheter, là, okay. pour broadcaster live sur leur site. C'est 500$. Wow. Puis la caméra est 5 000. Quand même. Je pense pas qu'ils l'ont changé, la boîte, là. C'est assez solide. Ça a l'air assez solide comme boîte, mais ça doit être la caméra, ouais, qu'ils ont dû réparer une couple de fois. La boîte est en métal toute. Je l'ai vue sur live stream. Là. Tu peux aller la voir. Mais la caméra, elle mangeait à claque, là, un moment donné, une soirée, là, la lentille, là. Wouhou, on voyait rouge. Fait que tellement qu'elle mangeait à claque, là. C'est un bon coup. City Guidou nous informe que ce sera bientôt disponible en français. Donc, probablement qu'il y a des bénévoles qui sont en train de se présenter. Il y a des francophones, puis ils vont démarrer leur angle francophone. Comme je l'avais déjà expliqué, en fait, une des soirées, là, il y a LCN et RDI qui s'étaient comme branchés sur le... Ouais. Qui diffusaient et sans nécessairement avoir eu leur permission sur le fait. Puis les stations de télévision se sont défendues en disant, écoutez, c'est un événement qui s'est passé comme là, On a pris la décision d'y aller. Radio-Canada a communiqué avec eux le lendemain pour, un, les payer pour les images. Deuxièmement, pour faire une entente, si je me souviens bien, pour des échanges d'images. Et LCN ne les a jamais appelés. Ben non, voyons là. Il y a eux autres qui ont leur hélicoptère. Ils n'ont pas besoin de... Mais ils avaient quand même diffusé des images. Eh oui! De déposer l'hélicoptère sur les étudiants, tu sais. Ah, puis une autre affaire. Ah, il aurait passé pour des martyrs. Oh, mon Dieu! Il aurait mis ça sur la couverture du Journal de Montréal, tu sais. Il aime ça, de l'écrapoux. Ben oui! Le Journal de Montréal. Est-ce qu'on a dit où est-ce qu'on pouvait te retrouver, JF, sur Twitter? Oui, JFroy1979. Excellent. Vincent? DEV Vimiller sur Twitter. Ou sur mon site web, vimiller.ca. Excellent. Pour ma part, oui, oui, il est arrivé. Vous l'attendiez tous. Le alexiscornelier.com est ouvert avec un vrai site web ce coup-ci dessus qui a été designé par mon bon ami Vincent Miller. Il y a quand même un bon 2 mois facile de ça. Il manquait le texte. Donc, c'est vraiment de ma faute si le site n'a pas été ouvert avant. Là, c'est fait. Là, c'est là. Et il y a un blog qui sera associé à ça, sur lequel je posterai, comme tous mes autres blogs depuis les 5 dernières années, un post par année. Non, en fait, j'ai essayé de monter quelque chose pour que mes tweets s'en aillent là-dedans, mes posts Facebook. Il doit avoir moyen. Là, donc, faire une espèce de boîte là, où est-ce que tout mon flux de médias sociaux s'en va dedans. Et vous pouvez me trouver sur Alex Cornelier sur Twitter. Quoique cette semaine, j'étais moins disponible. L'endroit où vous pouvez me trouver le plus en ce moment est sur le dans Diablo 3. Et vous pouvez me rajouter, c'est le Almapex hashtag 1634, si je me trompe. Si les serveurs fonctionnent. Tout à l'heure, ça va fonctionner. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous laisse parce que je m'en retourne dans. Et je voudrais aussi dire Kim Auclair, à Kim Auclair sur Twitter, oui. Qui était parmi les 25 finalistes du concours Entrepreneurship du Québec. Fait voilà. Elle nous a lancé une petite invitation. Si sa mère et ses amis ne viennent pas, elle peut nous inviter si on veut y aller avec elle vendredi prochain. Pour elle. Wouhou! Hein? On va crier comme des malades. Oui, exactement. Avec nos grosses voix, là. C'est où? C'est à l'excentrique, je pense. Ah, quand même, OK. Ouais. Ah, c'est dimanche? Vendredi prochain, le 8. Vendredi. Ah, c'était samedi, je serais juste à côté. Bon, on verra ça. On vous souhaite à tous bonne semaine et merci beaucoup d'être venu nous écouter. Et on se retrouve dans 2 semaines, le 11 plus précisément pour la Worldwide Developer Conference de Apple et le 14 pour le podcast Mac Québec, où on fera un retour sur la WWDC et où on aura quelqu'un pour l'application Protégez-vous qui viendra nous jaser ça. Donc, passez un bon 2 semaines, puis profitez du soleil. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Voilà, on est offline.